c'est plus qu'un rêve. Aimer, c'est rêver. Laisse-moi te montrer que la vie est douce. Laisse-moi te prouver que mon amour est sincère. Laisse-moi te montrer que la vie est douce. Laisse-moi te prouver que mon amour est sincère. Je t'aime tout simplement. Aimer n'est pas seulement un mot. Aimer se conjugue avec ton nom. Permets-moi de le conjuguer au passé, au présent et surtout au futur. Permets-moi de le conjuguer au passé, au présent et surtout.